resterait là. Quand on avait décidé qu'on n'en parlerait pas. Quand on avait décidé de plus compter sur moi. Quand on avait décidé de décroiser les doigts. On a tout balancé, le survêt et les draps. Verra pleurer parce que c'est ça l'amour. C'est un coucher de soleil sur la plage qui brille. Qui brille. Qui étincelle. Par moins 15 degrés. Toute la nuit. Sur les rives. Le soleil se couchant, John se retourna vers Sally et lui dit « Je t'aime ». Sally, émue, se retourna et lui répondit « Moi aussi ». Parce que c'est ça, l'amour. Émouvoir au travers des anges dans un langage des émotions qui est profondément en nous. John prit la main de Sally et l'emmena du petit bosquet où vivent les sirènes. Les étoiles brillaient d'une lueur d'albâtre et les albatros brillaient comme des étoiles. Et soudain, l'amour. Oh oui. l'amour.